Audiomatique. Amorcer la transmission 549 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter le duo anglais IXA. De son premier album homonyme paru en 2024, nous écoutions la chanson Infernum. Et maintenant, c'est au tour du trio norvégien Astrosaur d'assurer la continuité audiomatique. Thank you. Thank you. avions droit à Audiomatic, au trio norvégien Astrosaur, de son troisième album Portals, sorti en 2022. Nous entendions la pièce Eternal Return. Audiomatic se poursuit à l'instant avec la formation française Henri. Thank you. Que je puisse brûler. Audiomatique. Nous venons tout juste d'entendre le projet français Ermo de son mini-album Broken Memories, sorti en 2024. Il nous en présentait la pièce-titre. Précédemment à Ermo, nous vous avons offert la musique du projet français Jovial. Ce que nous avons diffusé est en fait une reprise de la chanson Troy, originalement interprété par Sinead O'Connor sur son premier album The Lion and the Cobra, lancé en 1987. Pour cette reprise en français, le projet Jovial était accompagné par la chanteuse Éléonore Deschamps. On peut retrouver cette version sur la compilation J'aime bien Ouf 2.25 de l'étiquette La Souterraine. Et pour amorcer cette séquence musicale, c'était le groupe français Henri qui s'orthographie avec un A de son plus récent mini-album Disruption, paru le 10 janvier 2025. Nous avons choisi de vous proposer la pièce Intermission. En conclusion de cette transmission 5-4-9 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la formation suisse Abraham de son album Débris de monde perdu, lancé en 2022. Nous entendrons la pièce Black Breath, sur laquelle on peut entendre Emily Zoé. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici Abraham et la pièce Black Breath. C'était Audiomatique avec les sonoristes.